Question 9. La signalisation indique un cassis ou un dodane, réponse A. Un ralentisseur, réponse B. L'accotement sera praticable à 150 mètres? Oui, réponse C. Non, réponse D.